moi, je suis grillé ou quoi? Donc je parle à une meuf. Ceci, cela, tu fais ci, t'as plein de meufs, on t'a mis là, je connais elle, wesh. Scarface. Je lui ai dit que je suis dans le textile. Elle me regarde de haut en bas. Elle me dit, arrête de me prendre pour un imbécile. Dois joindre mes coquines, on s'en va. Je lui dis attends un peu, laisse-moi ton code, puis on se revoit. Elle me répond que de toute façon, négro comme moi ne l'intéresse pas. Qu'un gars comme moi l'utilisera, lui fera la misère et la délaissera. Je ne comprends pas pourquoi elle me dit ça. Je vais pas lui faire la DSK, j'ai même pas la gueule de l'emploi. Laisse-moi te prouver le contraire, donne-moi l'heure et l'endroit. Comment je vais faire pour qu'elle oublie tous mes travers? À toi, j'ai mon univers. Si le monde est à moi, le monde est à nous. Les autres en face sont jaloux. C'est pas bonne si t'as pas tête à Wallou. Mon petit cœur tombe en panne sèche. Mais en dehors de ça, au-delà du fait que tu es bonne, je veux le coffre fort de ton cœur. Je veux tous les codes en prenant ton cerveau. Sans épreuve, sans épreuve. Te faire aimer mauvais garçon. Je vais lui sortir, la meuf est encore plus fraîche en plein jour. J'arrête pas de mater son cul. J'y plongerai 25 fois par jour jusqu'à ce que la go appelle au secours. Jusqu'à ce qu'elle n'en peut plus. Je la sauverai, la réanimerai pour qu'elle ne me quitte plus. Mais elle ne veut rien savoir. Me dit qu'elle me veut juste en ami. Que j'ai plus de vis que de flic à Miami. Oh. Pourtant je suis sérieux. Pour ça tu me fais passer pour un mytho. Pour un mec mystérieux. Dois-je abandonner? Dois-je abandonner? Plus grand chose à dire, moi je crois que c'est plié. Si le monde est à moi, le monde est à nous. Les autres en face sont jaloux. T'es pas bonne si t'as pas tête à Wallou. Mon petit cœur tombe en panne sèche. Mais en dehors de ça, au-delà du fait que tu es bonne, je veux le coffre fort de ton cœur. Je veux tous les codes entrés dans ton cerveau. Sans épreuve, sans épreuve. Te faire aimer mauvais garçon. Il réussit car il le devait. De l'argent comme s'il en pleuvait. Parle d'amour comme s'il en rêvait. Vit sa vie comme s'il en crevait. Je vais l'oublier, je vais l'oublier. T'es fraîche, t'es bonne et tout, mais je vais retourner à mes billets. Faut de la tête aux pieds, elle ne pensera jamais le contraire. Verbal King, Flo, Kaiser, Sauzé, que de la frappe comme un enterre. Laisse passer les experts, Kaira cherche me porte ailleurs. Louis Vuitton, Dior, Louis Vuitton, Mado, des pourrailles et des putains d'ailleurs. Je comptais sur toi pour me changer la vie. T'impressionner, te faire rire, ne te fera pas changer d'avis. Oh, si le monde est à moi, le monde est à nous. Les autres en face sont jaloux. T'es pas bonne si t'as pas tête à Wallou. Mon petit cœur tombe en panne sèche. Mais en dehors de toi.